Salut Charline. Alors ça va? Non. Ah bah c'est l'invité Olivier Pourriot. Bah oui, c'est un philosophe. Bah ouais, moi j'ai peur. Bah non, mais il est très sympa. Ah bah ça me fait encore plus peur. Mais non, mais en plus c'est un ami de Manoukian. Ah, mais ça me fait encore plus peur. Mais enfin, mais faut pas que ça vous stresse. Vous les filles, ça va, non? Bah bof. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah on a le livre de l'invité et puis quoi? Mais on a l'impression d'être bêtes. Mais non, mais en plus le livre est rigolo, il fait passer les personnages de la guerre des étoiles pour des philosophes. Génial. Obi-Wan Kierkegaard. Ouais, bah voilà, c'est ça, ouais. Dark Voltaire. Oui, très bien, merci. Luke Schopenhauer. Ouais, ouais. Oh pardon, elle aime pas les jeux de mots là. Ça va, on va reprendre dès le début. Alors passe-moi les extraits que tu comprends pas là. Bah voilà le livre, j'ai souligné en vert. Ah bah oui, il y a beaucoup de vert, c'est bien ça. Le vert, c'est ce que t'as compris. Non, le vert, c'est ce que je comprends pas. Ah oui. Alors, bon, ok, bon, je vais le lire. Bon, allez, va dans ton coin. Il est où, Guillaume? Il est parti au salon des vignerons. Ah bah là, il doit te comprendre au moins. Ouais, pas sûr. Hein, les mecs, ils commencent à picoler très tôt. C'est une autre incompréhension que les philosophes. C'est les vignerons. Oui, ou c'est complémentaire. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a pas mal de philosophes qui sont plus inspirés par Saint Estève que par Saint Augustin. Ouais. On n'entend plus Charline. Charline, ça va? C'est pas évident. Ah, il y a vraiment que Dédé pour tout comprendre, là, c'est... Oui. Hey, j'ai un autre jeu de mots. Ouais. Dédé, c'est un philosophe poilu. Et c'est Choubacante. Donc, au moins, si on comprend rien, on va bien se marrer, tiens. Et on va bien se marrer. Personne à boire. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui arrache les vêtements de l'actualité et voici les trois informations qui vont se retrouver à poil à 18h. Pour exorciser le malheur, les Français ont trouvé un bouffon de la République, Jawad, le logeur de Saint-Denis. Il est l'homme le plus moqué de ce pays parce que... Ça fait du bien là où ça fait mal. Une question angoisse la population et crée un sentiment d'insécurité. Où trouver un drapeau à accrocher à sa fenêtre demain? C'est la priorité du jour. Alors, on déjeune pas? Les couleurs d'abord. Quelles couleurs? Eh ben, les couleurs. Ici, le premier mouvement du matin, c'est d'envoyer les couleurs. Au sommet des listes des best-sellers mondiaux, il y a John Grisham et les livres de coloriage pour adultes. Voyez l'enthousiasme de ces adultes qui se saisissent de leur feutre. Force rouge, force vert, force bleu, force jaune, force rose. Jaune devant, marron derrière, comme disaient les inconnus. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui préfère les lire, les livres de coloriage, parce que les remplir, c'est trop fatigant. C'est Alex Vizorek. On n'est pas loin du compte. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de cette table aujourd'hui, eh bien c'est le 5 majeur à 17h20. Celui dont la prose est parfois du côté obscur de la force. Mais lui n'est qu'un grand rayon de soleil qui irradie nos après-midi. C'est André Manoukian. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Vous avez tout faux, parce qu'aujourd'hui c'est pas de la prose. Aujourd'hui, j'ai fait un poème pour déclarer ma flamme à Natalia Decaux. Oh là là, wow, chance de cette personne. À 17h30. Je sais pas comment je dois prendre ça. Clairement avec lui, on tient le Dark Vador de l'interview. Quand il avance vers son interlocuteur, on pourrait passer la bande-son de Star Wars en fond. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je suis allé ce matin effectivement au salon des vignerons indépendants et j'ai rencontré plein de gens raisonnables. 17 ou 18 tonnées de digestif, 4 ou 5 tonnées de bière brune. Je bois, je me limite. Voilà, et à 17h40, chaque fois que je la vois, j'ai envie de sortir mon sabre laser pour la défendre contre tous les dangers du monde. La princesse Leia de cette émission. Ah mais oui. Bonjour Clara. Avec son casque, les macarons naturels. Oui, merci. Les macarons naturels. Oui. Bonsoir Alex. Mais de quoi va-t-on parler? Un petit air de Chewbacca, vous. Hein. Ah, voilà. C'est la coiffure. Non, c'est moi, Choubi. Voilà. La COP21 commence dans 4 jours. Alors focus sur l'appel de la forêt de Jack London. Allez, si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous Pompidou. Vous publiez votre premier roman, Mephistovals, en 2001, l'année de la première télé-réalité. Je croyais que vous alliez dire l'année du 11 septembre. Aussi. Oui, ça l'est aussi, mais c'est la première télé-réalité aussi. Vous fondez le studio Philo au cinéma MK2 Bibliothèque à Paris. Quand sont créés BFM TV et Télé Grenoble, qu'on salue, vous devenez chroniqueur au Grand Journal en 2011. Que vous saluez aussi. Bim. Bien joué. 1-0. C'est l'année 2011 des indignés. Nous le sommes. Ah oui. Vous êtes. Je suis. Oui, vous êtes. Mais il va donner son nom. Ah, faut dire le son. Voilà. Je m'appelle Olivier Pourriol. Ah bah voilà. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Si c'est bien les philosophes, vous êtes, je suis. Ça nous a bien fait avancer cette affaire. Ouais, c'est réel. Ça, c'est une vraie réponse de philosophe. Philosophe et arrêtez écrivain. Arrêtez de dire ce gros mot, philosophe. Les philosophes, c'est pour les morts qui ont eu une œuvre conséquente. Penseur, vous pensez ? Moi, je suis un amateur. Ah, attendez, Bernard-Henri Lévy, il n'est pas philosophe du coup ? Je suis un amateur. D'accord. Tant qu'on est vivant, on a un amateur. D'accord. Et puis une fois qu'on est mort, les autres décident si on a été philosophe ou pas. Vous avez publié pas mal d'ouvrages. Vous êtes aussi écrivain. Là, vous l'êtes quand même. Écrivain aussi. Ça, j'espère. Et là, pas qu'amateur. Ainsi parlait Yoda, paru aux éditions Michel Lafon, avec pour sous-titre « Philosophie intergalactique ». Et là, je vous ai perdu. Non, là, je me suis dit, c'est dans les cordes d'André Manoukian. Philosophie intergalactique. Il y a le cosmo jazz, c'est vrai. Ah oui, alors non, je voulais juste dire un mot sur l'utilité de la philosophie. Moi, j'ai connu Olivier Pourriol par hasard, un copain qui me dit, il y a des conférences cinéphilo au MK2, vas-y, c'est sympa, c'est le samedi matin. Voilà, je me pointe le samedi matin et tout d'un coup, avec des extraits de films, mais ça peut être de Antonioni, Pasolini, mais aussi des blockbusters américains. Il se servait de ces extraits, donc Olivier Pourriol, pour développer des arguments philosophiques. Et moi, pas de bol, je vais le voir le jour où il fait un truc sur la passion. Et tout d'un coup, j'ai été le voir à la fin de la conférence en lui disant « il faut absolument qu'on se voit ». C'est tout d'un coup, j'avais rencontré un médecin qui pouvait me guérir du mal dont je souffrais à l'époque et dont je souffre un petit peu toujours. C'était cette passion qui vous prend et tout d'un coup... Il a dit cette chose, le désir grossit l'objet du désir parce que... Je dis ça moi. Oui, parce que quand on était un chasseur cro-magnon et qu'on voyait une toute petite bête, il fallait qu'elle nous paraisse grosse pour l'atteindre. Et tout d'un coup, je me suis dit, je suis en train de m'emmerder avec une chanteuse que je fais beaucoup plus grosse qu'elle n'est. Et donc, c'est oui, tout ça pour vous dire... pas grosse du tout. Non, non. C'est ça. Tout ça notre pour invité vous dire... aujourd'hui, André Manoukian, non. Qui publie tout Ainsi par les Yoda aux éditions. À quel point les bouquins de Pourriol sont, j'allais dire, nécessaires. Celui-ci n'est pas difficile. Il prend effectivement déjà un des blockbusters américains qui sont le plus mystique qui soit, que la force soit avec vous, et avec votre esprit, j'allais dire déjà, on est dans une pure spiritualité. Vous voulez dire qu'il y a une cosmogonie de Star Wars. Il y a pire que ça, il y a une mystique de Star Wars surtout. Olivier Pourriol. Lié au Yoruba. C'était une question. Répondez par oui ou non. Aussi. Oui, c'est que la force soit avec vous, que la force soit avec nous, c'est ce qu'on entend sans savoir ce que c'est la force. On sait ce que c'est nous, mais on ne sait pas ce que c'est la force. Moi, j'ai décidé de traiter vraiment la question. Je me suis demandé, parce que la question n'est pas traitée dans Star Wars, c'est un film fun, c'est un film ludique, c'est une fantasy. Et on voit des personnages qui essayent que la force soit avec eux. Je me suis demandé quelle était, non pas l'origine du film, parce que j'ai pas essayé de dire le sens du film, je me suis imaginé ce qu'ils avaient dans les poches de leur manteau. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils lisent ? Parce qu'on ne les voit jamais lire. Ni aller aux toilettes, hein, notez bien. Peut-être qu'on ne les voit pas non plus aller aux toilettes. Merci Clara Dupont-Moretti. Clara est là pour élever le débat, vous savez. Non, mais voilà. C'est vrai. Donc, non, mais ceux qu'ils ont dans leur manteau, à chaque fois qu'ils meurent, ceux qui sont. Chez Scorsese non plus. Ceux qui ont atteint un haut niveau de spiritualité, donc le maître Yoda, Obi-Wan Kenobi, les grands maîtres, quand ils meurent, ça ne laisse pas de traces, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cadavre, il y a juste leur manteau. Et je me suis dit, c'est peut-être comme Pascal, quand il est mort, dans la doublure de son manteau, on a trouvé son mémorial, on a trouvé des petits papiers cousus dans la doublure, qui étaient des messages qu'il ne voulait pas partager, mais qui avaient été importants pour lui-même et qui ont été transmis à la postérité. C'était son mémorial, c'était sa révélation, sa rencontre avec Dieu qui a duré 2 heures à peu près. Et je me suis dit, peut-être que c'est la même chose, parce qu'à chaque fois qu'il meurt et a sur leur manteau, peut-être que c'est un outil de transmission. Donc, j'ai pas fait un livre qui est là pour décrypter Star Wars. J'ai imaginé quels étaient les manuscrits ésotériques qu'ils promenaient dans leur manteau et qu'ils se transmettaient au moment de leur mort. Alors, Anakin, il a quoi comme... Donc, Anakin qui devient Dark Vador, voilà. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas. Là. Mm-hmm. Au moment où il meurt, il reste également son manteau, mais de son vivant, Dark Vador, il y a eu la mort en face de lui d'Obi-Wan Kenobi, donc il a récupéré le manteau d'Obi-Wan qui était son maître. Donc, si vous voulez, le livre, il est construit comme ça. Il a d'abord le manteau de Yoda. Au moment de sa mort, Luke trouve dans son manteau des manuscrits. Donc, j'ai essayé d'imaginer ce que c'était ces manuscrits. Ensuite, vous avez le manteau de Dark Vador. Dedans, il y a le manteau de Obi-Wan Kenobi. Dedans, il y a le manteau de Padmé. Dedans, il y a des poèmes. Il y a les poèmes que ces êtres partagent. Il y a un poète qui est un druide qui s'appelle S. H. Shakespeare. C'est Shakespeare. Donc, il y a des poèmes de Shakespeare que j'ai détournés. C'est des vrais textes de philosophie. J'ai emprunté à Descartes, j'ai emprunté à Spinoza, j'ai emprunté à Hegel, à Simone Weil. Et j'ai transformé ça pour que ça réponde à la question de est-ce qu'il y a une force dans l'univers ? Est-ce que quand on commet un acte maléfique, Est-ce qu'on est guidé par quelque chose d'autre que soi-même? C'est une question, hélas, qui est toujours d'actualité. Pas particulièrement aujourd'hui, c'est tout le temps le cas. J'ai pris des textes qui avaient été écrits en 1943 qui parlaient de la question du châtiment de Hitler. Si on remplace Hitler par Vador, ça marche toujours très bien. Donc c'est des textes, c'est des très beaux textes, c'est mes textes préférés en philosophie. Je les ai détournés pour qu'ils rentrent dans les poches des personnages et qu'ils traitent vraiment la question, y a-t-il une force à l'œuvre dans l'univers ? Et voilà. Il est bien mon pote les gars. Ainsi par les Yoda, édition Michel Lafon, par Olivier Pourriol qui est avec nous jusqu'à 18h dans Si tu écoutes j'annule tout sur France Inter. Sur France Inter, en compagnie d'Olivier Pourriol, le philosophe amateur, dit-il modestement, et écrivain, qui publie Ainsi par les Yoda chez Michel Lafon, une philosophie intergalactique qui fait transpirer de la moustache André Manoukian. Mais oui, et qui va faire un carton à la prochaine convention Star Wars au Palais des Expositions avec tous les gens habillés en... Comment dire, en guerrier, en personnage, tout ça. Je vais aller en vendre Jedi. Des paquets. Dans Jedi, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez comme je maîtrise le film. Et autour de tous les gens atteints de priapisme, visiblement. Et les poilus. André Manoukian, on a entendu Clara Dupont-Mono. Et on va entendre tout à l'heure en direct du Salon des Vins. Ça va être pas inintéressant. Guillaume Meurice. Et on va entendre aussi de l'information, car à 17h21 sur France Inter, c'est le journal de presque quelque chose. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Attentat de Paris, la Belgique a mis la main sur une voiture pleine d'armes. Le conducteur de la voiture était tout étonné. Et on aimerait donc organiser un grand « Je te tiens par la barbichette » entre lui et Jawad le logeur. Patrick Poivre d'Avor a été placé en garde à vue hier, puis relâché. Il essayait probablement de décrocher une interview exclusive de Claude Guéant. Et il y aura des brèves et des études, parce que apparemment 104% des auditeurs d'Inter trouvent que les brèves à la fin du journal, c'est une excellente idée. Et on commence par l'avocat belge d'un des complices de Salah Abdeslam. Voilà, son client, un homme qui aurait aidé Abdeslam dans sa cavale, a été arrêté par la police belge et on a retrouvé des armes dans sa voiture. Ah, il préparait un attentat ? Pourquoi vous dites ça ? Bah les armes... Oh non, vous voyez le mal partout. Ah, excusez-moi. On va écouter son avocat. Ces armes étaient déjà dans son véhicule depuis bien longtemps. Et il a... Pourquoi ? Alors, il a fourni des explications, c'est-à-dire que monsieur en fait des brocantes. Bah oui, je suis totalement rassurée. Hein. Bah oui. En revanche, cette année, ne comptez pas sur moi pour aller à Brocante de Lille. Bah, c'est bête, parce que s'il vient, en plus des moules, il y aura de la truffe. En tout cas, à quelques jours de la COP21, la Belgique fait mieux que la France. Mais oui, puisque en France, les terroristes jettent leurs ceintures d'explosifs dans les poubelles et en Belgique, nous, on les recycle dans les brocantes. Et on apprend à l'instant que France 3 a décidé de déprogrammer toutes les rediffusions de Louis la Brocante sur son antenne. Et oui, et ce pour éviter la radicalisation chez les ménagères de plus de 50 ans. Suite des attentats de Paris, le PSG pourrait commercialiser son maillot spécial « Je suis Paris ». Oui, le sponsor habituel du Paris Saint-Germain y est remplacé par cette phrase « Je suis Paris ». Et les bénéfices seraient reversés au profit des victimes des attentats. Voilà, contrairement aux propriétaires du PSG qui, eux, reversent leurs profits aux responsables des attentats. Et tant qu'on parle du Qatar, eh bien, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont inondés. Oui, et le Qatar a immédiatement postulé pour organiser les championnats du monde de waterpolo. Alors, on parle d'attentats, mais il y a d'autres malheurs dans le monde. Oui, aux États-Unis, Serena Williams a perdu Jackie, sa petite chienne de 16 ans. Ah oui, c'est triste, merci. De rien. France, cas de grippe. C'était l'émotion. Cas de grippe aviaire détecté dans une basse-cour en Dordogne. La ville de Molenbeek est soulagée. Oui. Cette fois-ci, ils n'y sont pour rien. C'est vrai, aucun poulet ne serait parti de chez eux. Patrick Poivre d'Arvor a été placé en garde à vue hier, puis relâché. L'ex-présentateur de TF1 est soupçonné d'avoir perçu des livres et manuscrits précieux. Mais oui, et bah, si maintenant il vole les livres, c'est toujours mieux qu'avant quand il volait ce qu'il y avait dedans. FIFA à présent. La FIFA a offert à une ONG 48 montres de luxe. C'est des montres qui ont été offertes à certains membres de la FIFA il y a plus d'un an. Parce que s'il y a bien un truc dont le tiers-monde a besoin, c'est de montres de luxe. Mais oui, hein, disons que c'est toujours plus sympa de regarder à quelle heure ouvre ton resto du cœur sur une belle Rolex. Puis une étude sur la sexualité. Oui, une étude qui prouve que les hommes qui font le ménage seraient meilleurs au lit. Ah. Vous pouvez développer ? Alors écoutez, j'ai les détails de cette étude quelque part, mais j'ai dû les ranger en passant l'aspirateur dans mon appartement. Et donc, entre les carreaux et la vaisselle, j'ai oublié de reprendre ces notes. Très bien, très bien. Mais on termine par une brève. Bref, Luxembourg, le cambrioleur se coince la tête entre les portes du magasin et meurt étouffé. Oh. On peut appeler ça la sélection naturelle. Et on va amener une précision. Alex, vous devenez français, vous avez écrit la ville de Molenbeek. Alors que on raconte, oui, c'est vrai. On ne cesse de rappeler aux Français que Molenbeek n'est pas une ville, mais une commune. Une commune de Bruxelles. C'est comme un arrondissement dans Paris, si vous voulez. Parce qu'on aime la précision, mais Olivier Bourriol, vous l'aurez remarqué. Je suis très admiratif. On va aborder le premier sujet d'actualité avec vous. Jamal, le logeur des terroristes. Jawad. Parce qu'on aime la précision. La précision. Effectivement. D'où est-ce que j'ai sorti ce Jamal ? J'ai comme une idée. Ah oui, c'est quoi ? Je pense que vous avez compris qu'il a inventé le stand-up terroriste. Le Jawad Comedy Club, c'est voilà. Ça. Voilà. Donc Jawad, le logeur des terroristes, Jawad Ben Daoud, précisons, a servi d'exutoire à une France en deuil, nous explique Slate.fr. Il est le bouffon dont la République avait besoin. Ben, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchaient chez moi et que voilà. Tu me l'as dit ça comme ça, là ? Comme tu me l'as dit maintenant ? J'étais pas au courant, c'était terroriste. Bon, eh ben, il va falloir la jouer très serrée. Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. C'est toi qui as souvent l'air étonné, ton défaut. Ben, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, d'où. On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés ? Ouais. Voilà. Cœur plongé. Jawad est un extrait d'Itinéraire d'un enfant gâté. Jean-Paul Belmondo. Voilà. Alors, c'est donc l'hébergeur présumé des terroristes qui a été interviewé sur BFM TV, qui dit qu'il n'était au courant de rien. Pourquoi toute une société, finalement, en fait le bouc émissaire de la moquerie ? L'article de Slate nous dit, voilà, la France était en deuil et il a servi d'exutoire. On a trouvé une sorte de bouc émissaire pour faire comme soulever le couvercle de la casserole à pression. Est-ce que c'est le regard que vous avez sur le fait aussi que tout le monde s'en empare, s'en moque ? On appuie là où ça fait mal et ça fait du bien, c'est ça l'idée, vous pensez ? Non, ce qui est étonnant, c'est que ça a transformé Twitter et tout le reste en détecteur de mensonges collectif, une espèce de crowd détecteur de mensonges. Et que jusqu'ici, les terroristes détournaient les avions, etc. Et là, maintenant, les internautes détournent les terroristes présumés. Donc c'est assez intéressant comme retournement. Il y a une forme de thérapie aussi Mais c'est quand même très étonnant, parce qu'en fait, c'est grave ce dont on parle. Mm-hmm. Et le comique terroriste, c'est quand même terrible d'avoir inventé ça. on en est là. Là, ce que vous avez fait tout à l'heure, la blague sur le type, il y avait des armes dans ma voiture, mais je suis brocanteur. Enfin, c'est tellement ridicule que la mauvaise foi, ça devient comique, mais c'est quand même un comique terroriste. Ouais. C'est pas nouveau. Enfin, les avocats ont toujours trouvé l'excuse. C'est même plus les avocats. Hein, parce que, ce qui est hallucinant, c'est que la personne en question est d'abord alpaguée par la télévision. Mm-hmm. Et, le désir de reconnaissance fait que il accepte l'interview. On en est à produire quelque chose. Qui donne des arguments contre lui pour une garde à vue prolongée qui fait qu'il est maintenant en détention provisoire. C'est extrêmement grave, en fait, ce qu'il a fait. Il a produit des preuves contre lui. Quand il a dit « j'ai rendu service », la première question qu'on a dû lui poser, c'est « à qui ?» Alors, il y a effectivement, avec la réaction de l'avocat et son argumentaire, une forme de jawadisation de la chose, parce qu'il utilise aussi des arguments qui font qu'on se moque de lui. Dans cet article de Slate.fr, la journaliste écrit qu'en se moquant dans cette interview, elle fait référence à Aristote dans sa Poétique, se purger des émotions et de leurs troubles en assistant au châtiment. Que Jawad Ben Daoud soit responsable par sa bêtise ou coupable de complicité d'attentat. Est-ce que Aristote et sa Poétique, ça vous... Oui, Aristote a dit, ça vaut Jacques a dit, mais bon, on fait comme on peut dans ces cas-là. On va toujours chercher des références sans forcément les maîtriser. On intellectualise un peu trop. Non, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Il ne faut pas aller chercher aussi loin parce que ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est très troublant, c'est que ça nous fasse rire. C'est-à-dire qu'on en est arrivé au point où... quelqu'un qui est quand même soupçonné d'actes gravissimes. On parle de 130 morts, il y a plus de 300 blessés. Ça peut vous voulez dire qu'on ne peut pas en rire ? Non, c'est pas ça. C'est que c'est un rire sur fond de désastre. C'est le rire. Mais oui, mais ruines, le rire est souvent sur fond de désastre. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est épinglé et tourné en comique, c'est pas tellement la nature des faits, c'est la naïveté et la mauvaise foi. C'est pas la naïveté, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, ouais, du bonhomme. Mais c'est c'est son attitude et non pas les faits, parce qu'autrement, effectivement, on a tous envie de pleurer. Mais du coup, de dépingler sa mauvaise foi et d'ailleurs tout ce qui a circulé sur Twitter, sur Facebook, la soirée pyjama chez Jawad, c'était lié à ça. Les fausses annonces de Airbnb, c'était aussi autour de sa mauvaise foi. Si vous regardez Twitter et Facebook, de toute façon, ça a la structure de René Girard qui vient de disparaître, parlerait d'une structure de bouc émissaire. C'est évident que la société est érigée dans les réseaux sociaux comme tribunal. Et là, c'est sous forme comique, mais ça reste quand même effectivement un processus de bouc émissaire. Mais René Girard disait qu'il faut faire très attention quand on trouve un bouc émissaire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on se trompe de bouc émissaire, on va en chercher un autre la semaine d'après. Et là, on a sans doute trouvé la petite fenêtre de tir, comme explique Alex, comme avec le chien Diesel, pour pouvoir un peu rire de façon plus décomplexée. Ah, le problème, c'est que c'était à mourir de rire. Une des valeurs de la République qu'on défend, ça reste la présomption d'innocence. Et est-ce qu'on n'a pas tendance à clouer au pilori ? Un peu comme Jean-François Copé, qui a tout découvert dans la presse aussi. Mais bien sûr, évidemment. André Manoukian, il est 17h30 sur France Inter et c'est votre moment. C'est vrai, moi j'avoue, je suis coupable. Elle s'appelle Natalia Doko et je plaide coupable. Elle a le magique growl. Elle a un matou dans la gorge. Elle a le magique minois. Elle a de l'air sur ses bas. Elle a du cristal sur ses hauts, elle a de l'enfance dans la voix, elle a du grave dans la joie, elle a du sourire dans le blues, elle a un poncho indien et des cheveux d'or sur sa pochette, elle est la fille d'une elfe et d'un conquistador. Elle a, mine de rien, l'art de l'air. L'air qui reste dans la tête, l'air de rien, la bluette, l'air qui fait du bien, qui est indispensable comme l'air que l'on respire, l'air qui appuie là où ça fait mal, l'air qui transforme un soupir en sourire, la chose la plus dure à produire, la ritournelle, l'art de la belle, c'est sa voix qui sourit quand elle est triste et notre tristesse qui s'en va quand elle sourit. Mimi, petite souris, s'appelle Natalia Doko. Son origine, l'Argentine, de son pays, elle prit la fuite, c'est qu'elle y fut séduite par une drôle de fée, la fée télé-réalité. En pleine cérémonie cathodique, comme dans une comédie romantique, quand la mariée plante tout le monde et que la foule à l'église gronde, elle prend sa traîne à son cou, les pieds nus, le rose aux joues. Elle court jusqu'au Mexique, mais pourquoi pas jusqu'au Mozambique. 5 ans à jouer de sa guitare rue, dans les bars. Il y avait Britney aussi. Et l'amour au bout du parcours, de l'autre côté de la mer, pas vu, pas pris, jusqu'à Paris. loin de chez elle, sa ritournelle n'est que plus belle. Chez nous, c'est chez elle, disait Rémi, l'ami Colpa Coboul, le dénicheur de la grosse boule, le défricheur de la pampa, du Cap Horn au Guatemala, de la Saudade au Tango, des congas du Mato Grosso. Natalia Deco, c'est la sirène sereine qui restera dans l'eau de ma libido, Rémi, fa, sol, la, si, do, co, Natalia Deco. Elle chante ? Ouais. D'accord. On donne un 10 à André Manoukian pour sa poésie. Linda, hein, Natalia. Natalia Deco. Deco, Deco, Deco. Deco. Deco. Et voilà, elle vient de sortir un deuxième LP. Elle est très souvent au concert. Au-delà du fait que, évidemment, j'ai légèrement succombé, mais j'allais dire. Est-ce qu'il y a un calendrier pour 2016 on en est là. Hein. Elle dégage quelque chose de magique. Et dans nos sociétés où la magie n'existe plus, Olivier Pourriol, eh ben, de temps en temps, de se reconnecter avec du sacré, ça fait du bien, non? André Manoukian, je vais vous voyer pour l'occasion. Arrêtez de me prendre à témoin à chaque fois que vous tentez une envolée un peu de post-deleuzienne. Post-deleuzienne, oui, c'est exactement mot, ça. Il y a un mot là, le mot, il va vous l'avouer, ritournelle. Hein, ah, la ritournelle de Deleuze. Deleuze, voilà. Et donc André Manoukian, comme je disais, a fait travailler ses enfants pour faire ses chroniques. Le niveau de la rime, hein, Mozambique, tout ça. C'était joli. Très, très beau. Voilà, une ode à Natalia Deco, dont on a entendu On refait le monde sur France Inter. Et le monde, on le refait aussi avec Olivier Pourriol, qui publie Ainsi parlait Yoda, publié chez Michel Lafon, philosophie intergalactique qui fait dresser les poils de Chewbacca. Et puis à cette heure-ci, les amis, que se passe-t-il? C'est le moment Meurice. Ah, mais évidemment. Il me semble que c'est un moment extrêmement attendu. On l'a envoyé dans un bel endroit. Oui. Ça fait bientôt deux semaines que la culture française a été frappée en plein cœur par des djihadistes. Mais la culture française est immortelle. Est-elle un phénix du Beaujolais? Elle renaît de ses vignes. Oui, notre vignoble, c'est notre culture. C'est ça que les terroristes ont tenté d'assassiner en visant des terrasses de bistrot. C'était peine perdue pour eux. J'en veux pour preuve le grand salon des vignerons indépendants qui a ouvert ses portes ce matin même. Énormément torrent de gens férus de culture était venu dès la première heure. À leur disposition, des litres et des litres de culture. Alors, attention, les gens qui sont dingues de culture à ce point-là sont souvent tentés d'en abuser. D'ailleurs, quelles sont les conséquences d'un abus de culture ? Réponse avec un homme qui l'a expérimenté. Oh bah, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et avec un pote, on était au premier étage, je crois, au deuxième étage, et on est remonté du deuxième étage au sixième à quatre pattes. Voilà, le risque est évidemment d'entrer dans un stade régressif hein, et de redevenir un enfant en bas âge ou un quadrupède, hein, ce qui est la même chose. Attention donc à ça. Un autre exemple avec un autre monsieur qui, lui, est habitué aux véritables débauches de culture. C'est une par semaine, donc c'est pas compliqué. Ah, c'est vrai. Et la dernière, alors ? Oh, une bringue entre copains, hein, c'est toujours la même chose. On en boit un, on en boit deux, et puis on en finit bourré. Vous avez fini comment ? Malgré mon grand âge, un caleçon. Voilà, on le constate. Alors, l'abus de culture est dangereux pour la dignité humaine également. Attention à ça aussi. On se souvient tous des images extrêmement gênantes de Clara Dupont-Monod, hein, notre spécialiste culture qui ne se souvient plus du nom de l'invité. Alors, on fait signe qu'elle était à jeun. Autant pour moi. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, pas de souci, Olivier. Hein, Clara m'a dit nettement, j'adore Olivier Mariol. J'ai vu tous ses combats de catch. Ça va aller. En attendant, passons à un autre témoignage saisissant d'un fou de culture. Bah, c'était revenant de chez un caviste. Après, on était allé au resto. Et puis, bah, voilà, vers 3-4 heures du matin, je crois que la moquette en a pris un coup en rentrant. Ah ouais, à ce point-là ? Bah, c'est le souvenir que ma femme m'en a donné. Vous avez réussi à avoir la moquette quand même ou pas ? Oui, on a une bonne champouineuse. Enfin, c'est les bras de ma femme, la champouineuse. Hein, mais... Excellent, excellente vanne. C'est aussi ça la culture française, de la bonne vanne qui tâche. Et pas que la moquette. On en profite pour saluer nos collègues des grosses têtes hein, qui font beaucoup, beaucoup pour la conservation de ce patrimoine, de cette culture. Ce sont un peu nos nouveaux philosophes. Et j'en ai d'ailleurs rencontré un vrai ce matin. Un philosophe un peu à la manière de Bergson qui disait « Agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Écoutez la pensée qui suit l'action. Je me souviens, surtout le lendemain, après quelques bouteilles quand même, on a regardé le nombre de cadavres de bouteilles sur la table et on s'est dit, non mais c'est pas possible. Mais il faut toujours le prendre avec modération, donc on l'a fait avec excès mais avec modération. Voilà, c'est important de le rappeler, faites des excès mais avec modération. Buvez 40 litres, mais à petite goulée. Voilà, ça c'est un bon conseil. Alors à propos de conseils, dans toute assemblée humaine, il y a toujours un sage, un mec encore plus cultivé que les autres. J'en ai rencontré un, il s'appelle Hervé. Je l'ai repéré tout de suite parce qu'il était avachi par terre. Et je rappelle qu'il était donc à peu près 11h du matin. Donc ça c'est très caractéristique de gens très très très cultivés. Je suis allé le voir. Qu'est-ce que vous faites là étendu par terre ? J'essaie de pouvoir étendre ma passion. Là, vous avez bu trop de passion ? J'aime les gens plus que les... Mais il faut bien faire de la croissance en France, donc on doit être à la tête du pouvoir. Oui, alors là, on sent bien l'homme extrêmement cultivé. Un patriote. Patriote, avec un avis pointu sur l'argent, le pouvoir, la passion, un mélange de Karl Marx, Marc Aurèle, Spinoza, avec du Gérard Depardieu aussi, hein, surtout au niveau de l'haleine, bien sûr. Et oui, c'est un mec qui se cultive depuis très longtemps et dans plein d'endroits différents. Une autre fois, je me suis retrouvé dans le coffre d'une voiture. Ah, quand même. Je me suis dit, bon, je vais dormir dans le coffre. Je sais pas, je me sens pas bien. J'ai demandé à mon ami qui avait la voiture de dormir dans le coffre. J'ai passé une sacrée nuit dans le coffre. Mais bien sûr, on connaissait Diogène et sa jarre, hein, son enfant. On connaît depuis Hervé et son coffre de Twingo. La culture française n'a pas à rougir face aux autres. Et c'est grâce à des individus comme ça. Tiens, d'ailleurs, laissons-lui le mot de la fin. La culture du partage... est une richesse à savoir partager avec les autres. Et les vignes, c'est de la culture. Le vin, il faut être cultivé. Les gens sont déculturés. Hein. Il faut les acculturer autour du vin. Et ben voilà. Et lui, il donne de sa personne. Bravo monsieur. Face aux djihadistes qui ont une foi sacrée, nous, on a des champions de la culture qui ont un sacré foi. Merci Guillaume Meurice. Vous jouez en région PACA ce week-end. Oui, tout à fait. Vous pouvez donner le top horaire dans les endroits où vous jouez. Je peux vous donner les endroits où je joue. Alors c'est La Gaude, Le Broc et Tourrette-sur-Loup. Et il est après. A priori 17h41 dans tous ces endroits en même temps. Et à Tourrette-sur-Loup. Et à Tourrette-sur-Loup aussi. Serez. Très joli, dans l'arrière péninsulaire. On a rappelé qu'il fallait consommer avec modération plusieurs fois, je pense. C'est important de le dire. Oui, c'est important. Oui, mais là, c'est de la culture. Oui, hein. C'est de la culture. Vous cultivez beaucoup, Olivier Pourriol ou... C'est difficile de répondre après. Vous pouvez le CSM nous écouter. Non, mais un tel étalage de culture, c'est quand même difficile de faire mieux. Mais c'est vrai, Hemingway, par exemple, il buvait beaucoup. Si vous lisez Mort dans l'après-midi, bon, il est lui. il était vivant, mais il buvait à midi, il buvait 5 bouteilles, et c'était un entraînement pour le soir. Ah. Churchill, qui était un grand homme, buvait beaucoup. Roosevelt avait l'air pas mal. Le seul qui buvait pas, c'était Hitler. Alors finalement, bon. Et oui, on peut boire et être dans l'action. Belle éloge. Oui, comme nous. Allez, on est avec Olivier Pourriol jusqu'à 18h. Elle lui publie Ainsi parlait Yoda aux éditions Michel Lafon, une philosophie intergalactique donc, qui s'est emparée de Star Wars. Vous l'avez beaucoup dit. Hein ? Mais oui, j'adore ce sous-titre, philosophie intergalactique, il n'y a que vous pour faire ça. Donc voilà, ça vous différencie. C'est votre identité un petit peu, et d'identité les questions dans ce sujet 2. Parce que demain, c'est une journée d'hommage national aux 130 victimes de l'attentat de Paris. François Hollande invite chaque Français à afficher le drapeau national aux fenêtres. Résultat, il y a pénurie de drapeaux. Une belle bouffée de patriotisme, de communion nationale. Peut-être pas que. La France que nous aimons, messieurs du pouvoir socialo-communiste, n'est pas celle du rap et de la BD. Non. La France que nous aimons est la France éternelle. La douce France, celle des champs, des prairies, celle des cathédrales, celle des petits chemins creux, celle enfin de la France que nous aimons, celle de la France éternelle. Les déchets. Donc François Hollande invite chaque Français à arborer le drapeau aux fenêtres demain. On se raccroche à cette douce France des chiens qu'on vient d'entendre. Est-ce que la philosophie s'est emparée du drapeau et des couleurs ? Non, mais la philosophie, je sais pas. Voyez, on va pas réagir à une question comme ça avec de la philosophie. J'ai rien à vous répondre là-dessus, mais ce qui est évident, c'est un acte politique. Hein. Il veut récupérer le drapeau qui, pendant quelques années, a été confisqué par le Front National. Donc c'est d'abord une décision politique, enfin un acte politique très habile de sa part. Et voilà, c'est une restauration du drapeau national à l'échelle de la nation, puisque tout le monde est concerné par ce qui s'est passé. Il a intérêt à ne pas se louper en le récupérant, parce qu'il s'en fabrique 3 fois plus, étant donné que tous les gens l'achètent. Donc maintenant que tout le monde en a un chez lui, il a intérêt à ce qu'il soit utilisé à bon escient. Il faut espérer que l'Euro 2016 verra la France perdre plus tard que la finale. C'est un investissement, vous voulez dire. Ça peut resservir. Voilà, la dernière fois qu'on a vu des drapeaux partout, c'était en 98, la France championne du monde. Bon, ben là, on peut espérer que ça va servir à autre chose qu'à manifester un deuil collectif. Vous-même, Olivier Pourriol, vous allez afficher un drapeau tricolore à votre fenêtre ou vous n'avez pas besoin de ces symboles pour communier demain ? J'habite sur cour. Ça règle le problème. On sent la fuite. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de drapeau chez moi. Qui a un drapeau chez lui autour de cette table ? Du bon mono. Un drapeau français. Oui, j'aime. Bah, oui, Clara, vous l'avez acheté à quelle occasion ? À la foire du trône. Mais ça, c'est vrai. Mais attendez, ne rigolez pas parce que le Huffington Post donne des conseils aujourd'hui. Si vous n'avez pas de drapeau, comment en trouver rapidement parce qu'il s'en fabrique très très vite et il y a pénurie pour demain. Et le Huffington Post vous conseille notamment, et ça on n'y avait pas pensé, les magasins de fêtes et de déguisements. Pour demain. Bah oui, on n'y avait pas pensé. Non, mais c'est là, on se rend compte, c'est là où on se rend compte à quel point ça s'est désormais connoté. Le fait d'avoir un drapeau, à quel point ça a été, vous employez le mot de confisquer, mais je dirais même moi, rapter. On peut parfaitement être très éprise de son pays, et puis tant mieux, il vaut mieux ça plutôt que de détester son pays, et de le souhaiter ouvert. C'est un devenir américain finalement après le 11 septembre où aux États-Unis personne n'est surpris de voir un drapeau américain, c'est pas même avant le 11 septembre ça n'appartient pas à un parti, c'est un patriotisme c'est moins vraiment notre national culture ici, oui mais si vous cherchez un drapeau français vous n'en trouvez pas, vous pouvez aller sur les magasins qui vendent des trucs de Captain America, c'est bleu blanc rouge, c'est les mêmes couleurs hein, donc vous pourrez toujours trouver des trucs américains bleu blanc rouge demain parce qu'au fond c'est ça l'idée, c'est que le drapeau ne soit plus confisqué par un parti mais appartienne à tout le monde et n'importe qui. Mais est-ce que c'est pas un repli identitaire, un drapeau ? Non, parce qu'on peut souhaiter... C'est une tentative de dissolution de la confiscation du drapeau dans un ensemble plus vaste. C'est comme si vous mettez une goutte de grenadine dans un verre d'eau, ça va devenir tout rouge. Demain, toute la France sera bleu, blanc, rouge. Justement, c'est connoté comme repli. Alors qu'on peut très bien, encore une fois, être amoureux de son pays et je le souhaite à tout le monde. C'est horrible d'habiter un endroit qu'on n'aime pas. Mais comment on peut être amoureux d'un pays ? Comment on peut être amoureux d'un pays ? Parce que vous adorez son état d'esprit, vous aimez sa culture, vous êtes fou amoureux de ses villes. Mais rien que la France, c'est beaucoup de cultures mélangées. Et bien, celle que vous connaissez. Et attention à ne pas pendre Yvette Horner à la façade. Attention, ne confondez pas. Et on rappelle aussi qu'à Béziers, on ne peut pas accrocher de linge aux fenêtres. Donc là, je ne sais pas comment ils résolvent le problème, mais on a envie de dire démerdez-vous. Vous aviez qu'à pas élire un con. Voilà. Clara Dupont-Mono. Charline Vanhoenacker. Prenons un petit peu de hauteur galactique puisque nous avons Olivier Pourriol pour inviter et non pas Olivier Mariol. Hein, donc, non mais ça, c'est pas moi. Ça m'arrive aussi. L'infâme esprit de Guillaume Meurice. Non, parce que l'actualité, c'est aussi la COP21. Bien sûr. Qui commence dans 4 jours. On l'a un peu oublié, mais enfin, elle est quand même là. Alors, personne ici, bien sûr, ne songerait à contester l'utilité de la COP21, puisque ça consiste à réguler le climat. En revanche, il est permis de s'étonner un petit peu d'un certain marketing écologique qui, un peu fatalement, accompagne ce genre d'événement. Et c'est vrai qu'un peu partout fleurissent les affiches, les photos, tout ça étant photoshopé, évidemment, les photos, la pub, les documentaires, avec du vert. Il y a du vert partout, on appelle ça même du greenwashing. Et puis, surtout, il y a des paysages purs et immaculés, il y a des beaux animaux, tendres comme des peluches. En bref, une sorte de planète saine que la main de l'homme n'aurait pas souillée. Or, ce folklore un peu idéal, il a un ennemi. Et cet ennemi, c'est un livre. Et il s'appelle L'appel de la forêt de Jack London, qui sort dans une nouvelle traduction signée Jean-Pierre Martinet, et c'est aux éditions Finitude. Et là, accrochez-vous, parce que le marketing Naturalia en prend quand même un petit coup. Le héros de L'appel de la forêt, c'est un chien. Entre parenthèses, saluons l'exploit technique qui consiste quand même à écrire un livre tout en gardant le point de vue d'un animal. C'est quand même respect. Ce chien s'appelle Buck. Il y a pareil dans Babar. Voilà, merci Guillaume. Je vous en prie. Il a une petite vie. Bon camarade. Hein. Non, mais là, il est drôle, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a une petite vie pépère. Bonne camarade. Hein. Buck a une petite vie assez pépère entre écuelles garnies et courses dans le jardin lorsqu'un jour, il est capturé par des malfrats et il se retrouve dans le Grand Nord parmi des montagnes hostiles et il va devoir servir de chien de traîneau pour les chercheurs d'or. Donc évidemment, on se dit oh, mais le pauvre. Eh bien, pas vraiment. Puisque, écrit Jack London, se réveille est en Buck ce vieil instinct qui périodiquement pousse les hommes à quitter le vacarme des villes pour le calme des forêts et des plaines. Mais attention, cet instinct, c'est pas celui du bobo qui va cultiver son cerfeuil dans le perche. Non, c'est l'instinct sauvage de nature, de survie. Autrement dit, c'est violent et Buck adore. Ça vous parle, André Manoukian? Grave, surtout l'appel de la forêt. Voilà. C'est le poil que j'ai, moi, ça me parle. Voilà. Alors, par exemple, Buck, il découvre la chasse, un peu comme vous aussi, André Manoukian. Bien sûr. Alors, c'est sûr, il mange local et sans phosphate, mais enfin, c'est quand même impitoyable. Je cite encore, Buck apprend la joie primitive de tuer. Parce que Buck, il a un objectif. Cet objectif, c'est de rester vivant. Là où il est, c'est pas pollué, mais enfin, le vent griffe, le froid ensevelit, les lacs avalent, des choses que ne retiennent pas forcément les posters de Nature et Découverte, encore moins les fanatiques du cru et des cabanes. C'est, je cite, une nature hostile où seuls les forts réussissent à s'en sortir, faite de glace et de montagne. C'est pas le paradis, c'est plutôt cime et châtiment. Si je peux me permettre. Dans le film, mais cela dit, rien d'étonnant, dans le film Into the Wild de Sean Penn, qui tue le héros à la fin? C'est la nature, puisque c'est un bouquet de plantes toxiques qui vient à bout du héros. Et Into the Wild lui-même est inspiré de l'œuvre d'Henri David Thoreau, grand écrivain, qui disait, je le cite, « Si je suis venu au monde, ce n'est pas pour le transformer en un lieu où il fasse bon vivre, mais pour y vivre. » Et voilà, tout est démontré. Alors, entendons-nous, Guillaume Meurice, je vous sens à l'affût comme un Khmer vert. Or, il ne s'agit pas de contester la détresse de la nature, mais bien son idéalisation. Notez que ces deux phénomènes, détresse et idéalisation, ont été tous les deux enclenchés par l'homme, un peu comme si l'homme se sentait obligé de construire toute une mythologie en l'honneur de ce qu'il a brisé. C'est un peu psychanalyse des grandes plaines, mais enfin, ça s'en rapproche. En tout cas, pour ce qui est de la casse humaine, Jack London l'a senti, presque prédit, on est en 1903, et il écrit « Tailladé, déchiqueté, broyé, ainsi remonta du fond des âges la complainte oubliée, tout ça parce que des hommes avaient découvert un certain métal jaune dans le Nord. » Vous vous rendez compte, en 1903, il écrit ça. Je vous redonne les références. L'appel de la forêt de Jack London est paru chez Finitude. Vous retrouvez cette chronique. Mais tiens donc, où c'est? Mais alors, l'actu expliquée par un livre. Dans Le Parisien Magazine, à paraître demain, avec un dossier exceptionnel consacré à la justice, l'état de la justice en France, qui se résume en trois lettres, SOS. Et on salue Bernard Arnault. Bien évidemment, s'il nous écoute. Vous ne voulez pas acheter le Parisien Magazine, le podcast, évidemment, c'est moi. Merci Clara Dupont-Mono. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Pourriol, qui publie Ainsi parler Yoda aux éditions Michel Lafond. Et on va quel est le sous-titre aborder... Allez-y, vous l'avez retenu La cosmogonie de Yoruba. Des Jedi. Intergalactique. Changez gagné André lecteur. Manoukian, c'est quoi le sous-titre? Philosophie intergalactique, mais c'est bien la cosmogonie aussi. Ouais. Vous connaissez ce mot? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faut pas le chercher là-dessus. Il pense, Il pense que c'est un médicament. Non, moi, je vous écoute plus depuis si mes châtiments, là, j'ai décroché. Troisième sujet avec vous. Une Écossaise a vendu 15 millions de livres à travers le monde, des livres de coloriage pour adultes. Oui, voilà. Alors, il paraît que ça déstresse et que ça fait du bien aux gens de colorier, donc. Qu'ajouter de plus? Voilà. Colore le monde. sans feutre, sans épreuve ni bombe. Un de l'or, les murs écoulent dans le fleuve, la fracture en monnaie. Les innocents. Alors, c'est un article que nous avons découvert ce matin dans l'Obs. Et on est tombé de notre chaise quand même. Un livre de coloriage pour adultes. Est-ce que la pensée est capable de produire une explication ? Non, j'attendais votre question parce que je me dis c'est quand même un exploit d'arriver à poser des questions à chaque fois à partir d'un sujet pareil. Bah, mon livre, oui, par d'un exemple, sujet pareil, si j'ai, le dire. Si j'ai bien exprès, suivi, hein. Si j'ai bien suivi mon livre, vous l'avez colorié en vert ce matin. Oui, il est là d'ailleurs. N'est-ce pas, Clara Dubon ? Montrez à Olivier Pourriol tous les passages que nous voilà. Bah voilà. Un livre de coloriage. Montrez vous pas avez la fin parce tous qu'on les avantages du livre. Hein, c'est quoi les avantages du livre ? Ça vous occupe, c'est une petite sphère comme ça d'oubli. Vous pouvez échapper à la difficulté du monde. Mais le problème dans un livre d'habitude, c'est qu'il y a des mots, c'est qu'il y a des phrases, c'est que ça peut être difficile à lire. Là, vous avez supprimé tous les inconvénients du livre et vous avez tous les avantages. Voilà, c'est un livre de coloriage. Mais vous trouvez pas que l'époque, pardon Alex, que l'époque est à la régression parce que là, c'est quelque chose de très infantilisant. On a les portables qui sont comme des doudous, les jeux sur lesquels les gens jouent, je les vois dans le métro, c'est avec des bonbons. Bah, le mieux, c'est de faire des livres de coloriage en mangeant des fraises tagada. Le coloriage pour adultes, c'est vrai que moi, je comprends pas parce qu'en fait, moi, j'ai des enfants, donc quand j'achète des livres de coloriage, tant que ce soit pour enfants, et puis je vois que non, c'est pour adultes. C'est non. C'est quoi, bon, bah, je vais leur offrir Kierkegaard, moi, mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On colorie des images sexuelles. C'est beaucoup plus esthétisant. Écoutez, oui, alors plus compliqué, vous voulez dire. Donc, oui, si vous voulez. Vous savez ce que dit le philosophe Alain, si vous voulez un peu de philosophie. Oui. Il dit que l'être humain, quand il attend, naturellement, il a peur. Mmh. Il n'est pas idiot Finkielkraut. C'est pas Finkielkraut, c'est Alain. C'est vraiment, c'était Emile Chartier. Non, elle est bonne, elle est bonne, mais bon. Après, les gens vont croire que Finkielkraut a écrit le système de Lozard, les propos sur le bonheur. Que dit le philosophe Alain ? Il dit que l'être humain, quand il attend, il a peur. Donc, pour lutter contre la peur, il y a une solution très simple, c'est de faire une activité qui soit suffisamment difficile pour requérir votre attention, mais suffisamment facile pour ne pas vous empêcher de la faire. Quand vous coloriez, vous ne pensez à rien d'autre qu'à colorier. J'imagine que les gens colorient, il faut que ça reste un peu dans les bords comme ça. Donc ça occupe et ça empêche de penser à autre chose, ça empêche d'attendre, ça empêche d'avoir peur. Voilà, c'est une espèce alors, de l'article de explique, une des explications, c'est le besoin de décrocher des écrans. Le livre de coloriage serait l'anti-écran par excellence. Mais c'est enfin, le roman l'anti-écran. Le livre, est-ce que c'est pas simplement le livre l'anti-écran ? Non mais là, vous voulez que apportez-nous des solutions. On décolle quand même. Moi, mon métier, c'est quoi ? On va vous donner une note au bac après, vous rendez pas compte. C'est de faire de l'artisanat, de fabriquer des phrases, de prendre des heures à choisir le mot, envers la virgule, à se battre avec l'édition pour que la phrase soit respectée, etc. Et tout à coup, on vous demande votre avis sur les livres de coloriage. Non, voilà, moi, la seule solution, c'est de boire du rouge, c'est mon camarade de droite. Vous venez de formuler de façon très claire le concept de l'émission que nous-mêmes, nous n'avions pas compris. Qu'on vient de découvrir. Mais et donc, oui, ça, c'est fabuleux. Alors, si ça vous intéresse et vous voulez absolument en savoir plus sur ce phénomène apparemment passionnant, un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et c'est en partie grâce à la France, figurez-vous. Donc, arrêtez de rigoler. Bon, bleu, blanc, rouge, parce blanc. Que c'est Hachette Pratique qui a décidé de s'emparer de ses livres de coloriage qui avaient déjà un certain succès dans les pays anglo-saxons et qui a décidé de le réimprimer version plus classe, en cartonné, etc. Donc, c'est, vous savez ce que c'est la l'avenir ? Vous savez, quand on relie des points là, avec des numéros pour faire des dessins, c'est des livres où les mots seront comme ça et on pourra former le et livre paf, en même temps. Il y a un best-seller, y a un best-seller qui s'annonce. Olivier Pourriol. Et vous savez quoi ? Vous avez fait un livre de philosophie, on va vous demander de faire des blagues. Mais vous rendez compte ? On vous inclut dans le sketch en fin d'émission. On vous donne un rôle et aujourd'hui, c'est le rôle d'Olivier Pourriol lui-même qui est convoqué au ministère de la Culture. Ça me rappelle culture. Le grand journal, il fallait lire le texte qu'on vous donnait avant. Ah là, vous essayez de nous torpiller. Sauf que nous, on vous a pas donné le texte avant et vous allez le découvrir. André Manoukian et Guillaume Meurice sont envoyés du ministère de la Culture. Bonjour Olivier, je suis envoyé par le ministère de la Culture. Vous avez donné mon livre à la ministre ? Non. Pourquoi ? Écoutez, elle n'arrive pas à lire du Modiano, alors vous pensez, avec la philo, on risque l'AVC. Hein ? Là, il y a écrit d'accord, donc je dis d'accord. C'est le principe. En revanche, on a adoré votre livre, on aimerait vous confier une mission. Pas revenir au grand journal. Non, une mission exposée, hein, voilà, avec des gens qui regardent. En fait, c'est par rapport aux crèches. Le ministère de la Culture. Oui, dans Culture, il y a quoi ? Il y a Ture. Non, il y a culte. Et donc, on voudrait que vous fassiez un livre pour comparer les personnages de la crèche à Star Wars. Comme ça, on évite les débats sur la laïcité. Je peux mettre un peu de philo ? Non, plutôt pas, on voudrait toucher un maximum de gens. Je peux demander à André Manoukian de faire la préface ? Non, plutôt pas, on voudrait vraiment toucher un maximum de gens. Non, mais nous, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est une comparaison crèche et guerre des étoiles. On pourrait appeler ça la guerre de l'étoile. Génial ! Les rois mages, ils ont des barbes, des capes, ils sont fascinés par les étoiles, c'est des Jedi. Vous avez vu, ça s'écrit tout seul ? Mais c'est totalement ridicule, moi j'ai écrit des bouquins sérieux. Bon, écoutez, si c'est pas vous, c'est un autre. Moi j'appelle Enthoven et il me pond le bouquin en une semaine. Quand mieux, j'appelle BHL, si je lui dis qu'il y a le mot guerre dans le titre, j'ai le manuscrit dans l'après-midi. Attendez. On pourrait faire quelque chose avec Dieu qui dirait Jésus, je suis ton père. Mais génial, mais c'est parfait ça. Et le bœuf, c'est une version à quatre pattes du Chewbacca. Eh ben vous voyez. Voilà. Ben oui, avec un bouquin pareil, vous seriez invité sur tous les plateaux de télé. Eh ben voilà, vous m'avez convaincu. Génial. Ouais, donc c'est oui. Ah non, c'est non, je veux pas repasser du côté obscur de la force. Je comprends pas. C'est une référence à Star Wars. Jamais vu ces films. Merci Olivier Pourriol, vous n'imaginiez peut-être pas. Moi j'aime beaucoup l'idée que quand on vient dans une émission pour parler de son livre, les dialogues sont déjà écrits, ça me repose. Mais non, c'est vous qui les avez fait, on vous a posé des questions. Oui c'est vrai. Le reste est écrit de notre plume. Eh personne... bien, c'est une très belle plume, je vous conseille de vous la remettre là où vous l'avez trouvée. Très bien. Bon, c'est un invité honnête. C'est pour ça qu'on rappellera quand même de votre livre Ainsi parlait Yoda aux éditions Michel Lafon. Que votre livre très très mal écrit d'ailleurs, on peut le préciser. C'est écrit par mes enfants comme les chroniques d'André Manoukian. Et merci à André Manoukian. D'ailleurs André Manoukian, partons en live, c'est demain soir à 21h. Et demain nous recevrons Jérémy Elkaïm. Merci nous à tous. Nous ne parlerons pas de son film non plus, hein. C'est important de le dire. Parce voilà, que... le mot de la fin. Je n'en doute pas. Et lundi soir sur France 3, juste Charline, il y a une très belle émission, ça s'appelle La vie secrète des chansons. Allez, au patriotisme. Moi je fais peut-être un barbecue ce week-end. Alors, hé, on déjeune pas ? Les couleurs d'abord. Quelles couleurs ? Eh ben, les couleurs. Ici, le premier mouvement du matin, c'est d'envoyer les couleurs.